my eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way. But you knew all the words to say. Radio Explore, un max de son. Yes, il est 10h. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Allez, bonjour à tous, c'est parti, c'est le morning de l'été qui démarre jusqu'à midi, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Alex, on est parti ensemble pendant 2h avec des infos solides, de l'horoscope, du sport et de la météo, et tout ça avec le hashtag également Morning Radio Explore. Si vous voulez réagir sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, rajoutez-nous Radio Explore. Nous on est parti pour 2h de son ensemble, c'est le morning de l'été partout en France, bienvenue. Pour me faire rêver, rêver. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

maintenant, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet I don't like canettes, ça me fait pas aller, tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé, j'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droite, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. J'adore ce son boosty à l'instant, Phil Allen en direct, le tout nouveau Souffle qui débarque, une découverte Radio Mix Floor. C'est juste après l'horoscope du jour, bienvenue, 10h10 en direct, le morning de l'été. Bélier, vos amours sont au beau fixe, épaulés par un ciel agréable, vous profitez d'un moment complice. Les taureaux, ambiance difficile, vous avez du mal à comprendre vos proches et réciproquement. Envie de dire, restez souple. Les Gémeaux, la lune favorise une échappée libre. Vous aspirez à vous détendre complètement. Les Cancers, votre forme est excellente, soutenue par Mars, c'est-à-dire l'énergie. En amour, la soirée est sensuelle. Les Lions, restez diplomates. Ce n'est pas le jour pour froisser un proche. Ne dites que ce qui est constructif et positif. Les Vierges, vous avez besoin d'un petit coin au calme pour vous ressourcer. En amour, on vous accompagne volontiers. Les Balances, vos enfants ou les plus jeunes ont besoin de vos conseils bienveillants, finalement vous êtes rassurant. Les Scorpions, ambiance tendue, évitez de râler même si vous avez du mal à composer avec les demandes des uns et des autres. Les Sagittaires, vos rencontres ont bien du charme, vous plaisez, cœur libre, le déjeuner est inattendu. Les Capricornes, cette journée est idéale pour réfléchir sur un sujet ou pour préparer vos vacances qui arrivent. Votre organisation est excellente. Les Verseaux, réveil maussade, vous aspirez à la tranquillité alors qu'on a besoin de vous. Soyez plus conciliants. Les Poissons, pour terminer, la journée vous ressource, vous profitez d'un moment de calme et en amour, vous êtes au diapason. L'Astro Top. L'Astro Top. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. La peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Hey, hey. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. Je vais tout lâcher. Eh, eh, eh. Je sais pas comment lui expliquer. Eh, eh. Un jour je finirai par me barrer. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Eh, eh. Encore une fois, j'ai tout gâché. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court. Et hey, hey, hey, c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Hey, hey, hey. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Doucement sur vos colères, qui me suivent sur le sort Twitter. Ma chérie me presse pas l'amour et tueur. Il qu'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés chèques qui passent au mar, ouais, c'est pas ta mentir. J'ai pas de fiche de paix, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fou d'être la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde, fiston. Comme Quentin, réveil au top avec le Morning Radio Mix Floor. N'hésitez pas à réagir, hashtag Morning Radio Mix Floor. C'est ça qui est bon, en direct jusqu'à midi. N'hésitez pas, www.luxor.fr pour nous écouter. On se rejoint dans quelques instants avec le nouveau Benny Mio Bassi. Radio Mix Floor.

fais doucement, fais doucement, fais doucement. T'as peu goûté, peu ça, dépassé, t'es peu bon, ton langage c'est comment. La sutile, les fumées, les bagarres, la fonce des mes chaussures, fais doucement. T'as des gaines, ta gestu, tes chicots, ta muscu, ton projet c'est comment. T'es déjà une galère pour ta life. Faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Floor. Ah yeah, ah, ah, ah, ah, ah, yeah. Un max de son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your et le tout nouveau Cachemire à l'instant, Wildcard. Et 47 joueurs avaient parié sur le 5-2 en avant-match, hein, code 71 pour Francis Land, dont un qui avait parié 600€ alors qu'il était sur ce sentiment bourré, voilà, et il a réussi à gagner 1 million d'euros. Donc fake ou pas fake, à vérifier. Bref, retour du son évidemment dans quelques instants avec Aluna George, I'm the Control. Nous on est là jusqu'à midi, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Morning Radio Mix Floor. See the stars burn after I had my turn. shots. I'ma feel like the fat boom, put me in your drawers. Whole night, me and watch you not be gone. Oh God, me a pray for your legs when I'm fast. Girl, you're no favor, no I love you. See you in control, but me a the real boss, girl. Un max de son dance floor. Et plein de messages qui arrivent là pour fêter le bac, en tout cas comme Corentin, félicitations à eux, Aline, Fanny, Eric, il y a plein de messages qui arrivent avec le hashtag Morning Radio Mix Floor. Qui c'est bon de se réveiller avec le Morning Radio Mix Floor avec la voix d'Alex qui me fait rêver, lol, de la part de Geoffrey. Bah merci à toi mon pote, ça fait plaisir. On est là jusqu'à midi, 11h passé de 2 minutes et le son de Komodo pour se réveiller. Bon réveil à tous.

Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Le son de Jennifer Lopez à l'instant, le tout nouveau. On s'en joint dans quelques instants avec une petite page sport. Foot, rugby, tennis, Formule 1 et toute l'actu sportive, c'est Sport News. A commencer avec du tennis, Wimbledon et son retard à l'allumage à Roland-Garros est oublié. Battu dès le deuxième tour à Paris, Lucas Pouille n'avait pas eu le temps de beaucoup apprécier sa première expérience comme tête de série. Et quelques semaines plus tard, le voici en quart de finale de Wimbledon contre toute attente. Si on m'avait dit il y a 10 jours que j'allais jouer les quarts de finale à Wimbledon, je n'y aurais pas cru. Je ne vais pas le cacher, n'ayant jamais gagné de match sur herbe sur le circuit principal, c'est super, je suis heureux. Alors pour une première, le nordiste n'a pas fait les choses à moitié. Battu par John Millman à Stuttgart et Pakae Nishikori à Halle, le 32e mondial s'est lancé en battant le roumain Marius Copil au premier tour avec des statistiques intéressantes au service. Une arme essentielle en tous les cas sur gazon qu'il a bonifié au fur et à mesure du tournoi pour remporter deux énormes victoires. Au 3e tour face à Juan Martin Del Potro et donc au 4e tour face à Bernard Tomic, battu 10-8 au 5e set. De son côté, pas de quart de finale à Londres pour Nicolas Mahut. Le français a été éliminé par Sam Querrey en 3 3-7 hier, 6-4, 7-6, 6-4 après 2 heures de jeu. L'Américain se hisse en quart de finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Il sera donc face à Milos Raonic ou David Goffin. Et puis, un duel 100% tchèque des huitièmes de finale entre Tomas Berdych et Jiří Veselý qui a été interrompu par la nuit alors que ce dernier venait d'égaliser à 2-7 partout. Berdych a effectué plusieurs réclamations auprès de l'arbitre en lui demandant de transférer la rencontre sur le court central équipé d'un toit et d'éclairage, mais sans effet. Le cyclisme, le Tour de France et une histoire aujourd'hui. Mark Cavendish est immortel. Il y a encore 3 jours, on pensait à sa giclette évaporée, son coup de pédale aux oubliettes. En même temps, depuis 2 ans, il n'était plus vraiment à la fête sur le Tour. Mais bon, ce vieux Cavendish, certains l'avaient même enterré. Mais c'était mal connaître le sprinter de l'île de Man, à Utah Beach, dans un lieu chargé d'histoire, lui a retrouvé la force d'écrire un nouveau chapitre de la sienne. Et donc hier, il a remis ça au terme d'un sprint dont il a le secret à la pédale et avec sa science de l'emballage fini en quête d'un premier succès sur cette grande boucle. André Greipel a peut-être commis une petite erreur en lançant son sprint et en se mettant dans le vent un peu trop tôt. Lui était pourtant persuadé d'avoir gagné, bien il se trompait. De son côté, Cavendish s'en est frotté les mains. Le voilà avec 28 bouquets glanés sur la plus grande course du monde, autant que ceux obtenus par une autre légende de l'épreuve, Bernard Hinault. La victoire donc hier de Cavendish lors de la 3e étape du Tour de France. L'étape ce mardi conduit les coureurs de Saumur jusqu'à Limoges. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Un vent de révolution souffle sur le camping. Une fille se fait taper la musique de vieux là. Tu sais ce qu'ils disent les vieux? Camping 3. Et toi, tu bossais dans quoi? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent au cinéma. Bon plan, entretien auto. Euro Répar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Euro Répar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Euro Répar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorepar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorepar.fr. Radio Mixplore, tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici, new hit. Sur Radio Mixplore. Radio Mixplore. Sad soul. un max de son.

don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Another case of do or die.

quand je bats, mais l'important en fait c'est que tu ne tombes pas. Élimine les défaites, dis-toi qu'elle ne compte pas. Lève le pas, relève la tête, ma vie est un combat. Tout existe en défaite de haut quand je bats, mais l'important en fait c'est que tu ne tombes pas. Élimine les défaites, dis-toi qu'elle ne compte pas. Lève le pas, relève la tête, ma vie est un combat. Lève les mains en l'air. Moi, tu choisis de la musique, car je peux pas la concert. Des boîtes de nuit, de la foule et des salles de concert. Je ne suis qu'un sale d'avant, pourtant je vise le top. Lève les mains en l'air. Moi, tu choisis de la musique, car je peux pas la concert. Des boîtes de nuit, de la foule et des salles de concert. Je ne suis qu'un sale d'avant, pourtant je vise le top. Level Radio Mixfloor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Magic System, yeah. On va déconner. Ah bon? Si tu es fou, nous aussi on est fou. C'est ça, on y va. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force, allez. Tonight